تستمعون إلى الراديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. السلام عليكم يا أهل سلام، حشيشة على الأباري. vous écoutez راديو حشيشة. il est 20h heure d'Alger heure algérienne 21h à Paris à Paris. مرحبا بكم. C'est l'émission de samedi soir, comme tous les samedis soirs, l'émission de live avec les auditeurs. Et comme chaque samedi soir, on a un sujet qu'on va essayer de débattre avec les auditeurs, en fait. Et vous pouvez participer à notre émission via Skype en appelant Hachicha DZ. Le sujet de ce soir, ce sont les événements en Égypte. Il s'agit de discuter en fait ce qui se passe en Égypte, le coup d'État qui s'est produit il y a quelques jours, il y a 3 jours maintenant, et donc à vous la parole si vous voulez participer. Je vérifie sur Skype s'il y a des gens qui veulent participer. Vous pouvez nous appeler sur Hachicha DZ. En attendant vos appels, je vous passe un petit peu de musique et on se retrouve dans 3 minutes. Je vous laisse avec des rappeurs algériens. Laja. نحن في وضع لا ندين فيه ولا نستدين نظام حزب الله لا ندين فيه ولا نستدين le combat pour construire le nouvel ordre mondial du 21e siècle نظام الرئيس نظام الحكومة لا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية ارفع راسك يا با ديمقراطية ديمقراسية كي ساكو كي بوتاف كي باركا كي قدافي لا ما عندكش الكتاف غير وجد المدافي واحد قال مزانقة لاخر صدم بالجمال بالعلي مرتاح داكا كاع جاهم الهبال كلاو كاع الفايدة بارتو راها مايدا ما فرباط وكازا كي مالك الرؤاسة كرهنا من المرياسة لي شادين الكراسة للشعب ديرو باسة شتزيدو له في الخلصة كي نو تجبر العبسة الشعب يبرم بالماسة وانتو ما غير بالويسكي طاسة مورا طاسة وشاف البوطي مريسكي وانت من فوق التيكي التيكي بكي شريكي كي شيكي والبيريكي ما دايا ما تستيكي. Nous avons un premier appel. J'arrête donc Ismahoulna Chabab Ta'alaja qui chantait la chanson El Kursi. On va essayer de prendre un premier appel. Allô, salam alaikum. Marhaba bik khoya. Je t'entends pas bien, tu es loin ou là. C'est bon là? Ouais, c'est ok. D'accord. Donc. Qui te battent à l'actualité de sur Facebook ou j'ai vu que tu t'es énervé le coup d'état. J'étais au bout, quoi, même de faire 2 vidéos, d'expliquer à plusieurs fois. Absolument. Absolument. Ça, c'est mon point de vue. Chacun son point de vue. Je ne sais pas, le tien, c'est quoi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est comme tout un démocrate. Un coup d'état, ça s'appelle un coup d'état. Il faut appeler un chat, il ne faut pas changer leur nom. Donc, c'est clair et c'est simple. Et en fait, la chose que j'ai remarqué le plus, et dans tous les journaux, et les médias, même les médias étrangers, de comparer en fait le coup d'État de l'Algérie à celui de l'Égypte. Ce qui est, même j'ai suivi la vidéo de Tchèque, et ce matin, je pense que tu l'as publié ou l'as appelé. Donc, même, j'ai une analyse, mais qu'il y a un petit rapprochement. Concernant, je pense, l'intervention dans l'armée. Exact. Donc, l'Algérie, d'après ce que j'ai lu comme rapport, d'après ce que j'ai rencontré des personnes qui étaient au milieu des élections du FISC, donc, en fait, ce qu'ils ne savent pas, le peuple algérien en général, c'est que le FISC, il a gagné. Ce qu'ils disent tout le monde. Mais en fait, en réalité, si on voulait la première élection de service municipale, toutes les mairies algériennes, ils ont resté presque un an. Donc c'était une gestion catastrophique des municipaux. Donc, exact. Le peuple, il a compris directement que ces gens-là, ils ne sont pas compétents, ces gens-là, ils sont en train juste de prêcher leur truc, d'endoctriner les gens, les attirer par les sentiments. Donc... le peuple, c'est vrai, il a voté, c'est un vote sanction contre le FLN automatiquement, mais on fait un choix entre la peste et le choléra, on ne peut pas choisir la peste et le choléra. Donc c'était ça, on confondait peste et choléra, fils à Finlande. Donc le peuple a voté un vote sans consultation contre le fils. Ils les ont remarqués pendant leur gestion des ministres suppôts. Donc ils ont compris bien que ces gens-là, ils sont incompétents, ils ont un programme médiocre. Ils parlent que de barbe, de voile, il ne faut pas nier les choses, quoi. Donc, on l'a vécu, donc c'est une réalité. Donc, après, la mafia en place, elle a compris que ce peuple-là, il ne va pas revoter une deuxième fois le fils. Donc, automatiquement, pour suivre leur plan qui était déjà préparé d'avance pour avoir le désordre en Algérie et revenir en force. Là, une fois des militaires en Algérie. Donc, du coup, il faut bien suivre le plan. Automatiquement, pendant la deuxième élection de fils, qui c'était une législative, si vous remarquez bien, il y avait un passage de Habib Lkhel, et que qu'on n'est pas Habib Lkhel, du chef de cabinet du Chedli, qui est devenu directement ministre de l'Intérieur. Nous, on sait très bien que le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui gère les élections. Donc automatiquement, dans cette période-là, il gère les élections, automatiquement, il y a beaucoup de fraudes que tout le monde a dénoncées du fils. Donc il fallait que ce fils, il gagnera. Il fallait. Et on n'oublie pas que nos mafias en place, ils ont des gens infiltrés partout. Ils savaient très bien que leur coup d'État, il sera légitime. Pour quelle raison? Donc en fait, c'est en gros, les démocrates algériens, on parle généralement de RCD et les autres personnes, et les personnes algériennes. En fait, c'est eux qui ont demandé l'intervention de l'armée. Donc, Khaled Nazar, il l'a dit. On peut pas dire tout ce qu'il a dit. Khaled Nazar, c'est un mensonge. C'est une réalité qu'ils sont. Ils sont allés vers lui. Ils l'ont demandé d'intervenir. Donc, c'est cette mafia en place. En fait, elle a donné une légitimité à son coup d'État. Parce que c'est elle, en fait, qui a montré qu'elle met le fils en place. Elle a fraudé pour le fils pour qu'il gagne. Automatiquement, les démocrates algériens, ils vont les appeler pour intervenir, parce que ce fils-là, il commence à dire « je vais tuer, je vais égorger, celui qui n'est pas algérien, qui n'est pas musulman, il a qu'à y aller ailleurs, celui qui ne respecte pas l'islam, il a qu'à payer le jizya et compagnie ». Donc, les gens démocrates en Algérie, les gens qui sont, qui sont corrects dans leur vie, ils sont libres, ils ne veulent pas que des gens leur imposent un mode de vie. Donc, ils sont partis demander aide vers l'armée. L'armée est intervenue. Mais c'était ça, c'était préparé déjà par l'armée. On va voir l'armée, en général, est venue pour faire la démocratie. Donc, c'était leur plan. Les démocrates, ils ont suivi, ils étaient piégés. Donc, automatiquement, ils vont intervenir. Et on va voir qu'après, il y a 10 ans de guerre, il y a des morts, il y a des disparus. Donc, est-ce que de ce point de vue, c'est comparable à ce qui vient de se passer en Égypte? C'est-à-dire en Égypte aussi, on a vu que finalement il y a eu un processus de transition avec des élections, etc. Ensuite, intervention de l'armée. Est-ce que c'est pas comparable de ce point de vue? Donc ce que je voulais dire, je suis tout à fait contre l'islamisme dans le monde. Mais je suis tout à fait contre ce coup d'État. Morsi a été élu à travers les urnes. C'est un président élu, il est légitime. Et on peut même proposer notre hypothèse que l'armée, elle vient de sauver Morsi, et lui donner plus de légitimité et plus de crédibilité, et même ses militants islamistes. Parce que Morsi, il allait tomber. Il allait tomber. C'est juste ils ont eu un peu de patience. En fait, la rue l'a refusé. Enfin, on va dire que la révolution se fait de plusieurs fois. C'est pas maintenant qu'on peut, on va dire, allez, c'est bon, il y a une révolution, on va installer la démocratie directement en Égypte. La révolution se fait de jour en jour. Donc, le peuple égyptien, il a compris qu'en fait, ces gens-là, ils sont là juste pour faire leur prêche, ils sont là juste pour parler de voile, ils sont là juste pour... ils n'ont pas un programme. D'ailleurs, l'insécurité, elle a augmenté, il y a tuerie entre les chiites, les sunnites, les coptes, donc il n'y a plus de sécurité. Les gens, en fait, ils commencent à endoctriner le peuple égyptien et ça allait même devenir peut-être ailleurs plus tard, en fonction du temps, ça allait devenir une république théocratique, quoi. C'est tout est possible, quoi. Donc, pour le coup d'État, en Égypte, je ne suis pas d'accord. Je suis tout à fait contre un coup d'État. Comme j'ai dit avant, un coup d'État, c'est un coup d'État, pas un coup d'État démocratique. Il y a peut-être d'autres personnes aussi qui veulent comparer ça à un coup d'État, ce qui s'est passé au Venezuela, concernant Hugo Chavez, parce qu'il a fait un coup d'État lui aussi. Mais c'est pas du tout comparable. Au Venezuela, c'est autre chose. Donc les gens qui essaient de faire cette comparaison-là, c'est parce qu'ils vous disent que Hugo Chavez, c'était un militaire aussi, a fait un coup d'État. Donc après Hugo Chavez, en fait, quand il a su... Hugo Chavez, il n'a pas fait de coup d'État contre... Il n'a pas fait de coup d'État contre la volonté populaire, je veux dire, contre la légitimité des urnes et tout ça. Par la suite, Hugo Chavez, il s'est fait réélire très démocratiquement et tout. Voilà l'histoire, en fait. Je pense que la comparaison n'a pas lieu d'être, effectivement. Heureusement, parce que peut-être qu'il y a des gens qui veulent le transformer à ça, ceux qui sont en fait soudoyés par les militaires et qui croient que les militaires font partie du peuple. Donc, peut-être que des gens ils vont comparer à ça. Donc, on aimerait bien qu'il est bloqué au niveau de ça, parce que s'il n'y a aucune comparaison avec Hugo Chavez, ce qui s'est passé en Égypte. Comme j'ai dit, donc les islamistes en Égypte, ils sont plus crédibles aujourd'hui que le démocrate égyptien. En fait, les gens, la mentalité des militaires dans le Maghreb et dans le monde en général, concernant le monde arabe, en fait, eux, ils croient que c'est eux la solution, c'est eux la démocratie, c'est eux qui sauvent le pays. C'est pas une armée qui est professionnelle, c'est pas une armée qui respecte la constitution. Normalement, un chef de l'armée, un chef d'état-major, un peu comme ça, il ne devrait pas bouger sans l'ordre du président, c'est-à-dire sans l'ordre de Morsi, quoi. Et comme on a vu, c'est Morsi qui l'a désigné sur Al-Sisi, quoi. C'est lui qui l'a désigné. Et en fait, il s'est retourné contre lui. C'est pas parce que c'est un théologien ou un truc comme ça, ou c'est quelqu'un qui, je sais pas, rétrograde, mais en fait, il fallait qu'il intervienne pour revenir dans la scène et montrer que c'est l'armée qui est la plus forte et c'est elle qui va décider comment ça va marcher le pays. En fait, okay. Ces gens-là, les militants là, qui sont sortis, les opposants, ils croient que l'armée elle va leur laisser la place, aller poser comme vous voulez. C'est bon, l'Égypte, en fait, elle a bloqué le processus de révolution par leur vote à Morsi. Et là, ils ont fini avec cette révolution, avec ce coup d'État. C'est bon, là on revient aux anciens régimes. Ils ne vont pas croire qu'il y aura une démocratie en Égypte. Moi, je ne le crois pas. Et j'ai peur, en fait, vers les dérives, parce que il va se passer des trucs, en fait, qu'on souhaite même pas à notre ennemi. Je souhaite pas pour l'Égypte une guerre civile, mais en fait, ça se voit de jour en jour. Voilà ce que c'est OK. Voilà. C'est OK, merci beaucoup pour ton intervention, c'est clair. Chacun son point de vue, effectivement. On va laisser les autres, j'ai vu quelques bips d'autres personnes essayer d'intervenir. Ateksaha, Khoya Selm. Merci beaucoup. Marhaba bik quand tu veux, la prochaine fois, Inch'Allah. Et bon courage. Merci, toi aussi. On passe tout de suite à notre auditeur, Tahar. Allô, salam alaikum. Marhaba bik quand tu veux, la prochaine fois, Inch'Allah. Allô, Khoya Tahar, je t'entends, mais si tu peux couper la radio, Andek, il faut couper le son. Il y a un retour sinon. Attends, je vais couper le retour. Très bien, là c'est net. C'est net? Yes. Salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaban bik, khoya. Ça fait longtemps que j'essaye. J'ai vu, je suis désolé. Avec le décalage horaire, etc., c'est impossible, pratiquement. Ouais, c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas, là, quelle heure il est de ton côté, là, de l'autre côté de l'Atlantique. 2h15 de l'après-midi. 2h15, et il est 21h à Paris, 20h à Alger. Voilà. Eh oui. Merci beaucoup pour ton appel. Mais je vous en prie, khoya, je vous en prie. Le sujet, la discussion Lyoum, c'est le parallèle entre la situation algérienne et la situation égyptienne, c'est ça? On peut le prendre de ce côté-là, effectivement. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle, à ton avis, Khoya? Il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs à l'Algérie 92. Par la manière avec laquelle le coup d'État est venu, mais... le développement de la situation du juin 3, je crois, le coup s'est passé le 3 juin. Le 3 juin, oui, je m'en rappelle. Ouais. Et dans le futur, ça sera pratiquement... Kimegulora, ce sera pratiquement le même schéma. Mm. Et on le voit déjà. La décapitation des frères musulmans, de l'organisation des frères musulmans. Donc on enlève toute la direction qui peut contrôler la base, qui peut orienter la base, qui peut calmer la base. Quand on enlève ça, on laisse la base, les éléments sans aucune, guidance, sans aucune... De leader ou de guide. Voilà, qui peuvent les guider. Donc, il y a possibilité de violence. Ça s'accroît. La violence de l'État et la violence les frères musulmans. Donc, il y aura une escalation de cette violence. Cette escalation va encore isoler les frères musulmans et va les décrédibiliser à long terme. Le perdant dans tout cela, c'est le processus électoral. C'est le processus électoral, c'est le processus démocratique, carrément. Mmh. Parce que la démocratie, elle est devenue un... c'est pas de la démocratie. Personne ne croit dans le concept de la démocratie. Parce qu'après 10 ans, on a la situation à un tel point qu'on n'a rien. On n'a pas d'opposition, on n'a pas de gouvernement qui est de majorité, personne n'a aucune crédibilité, et sans la crédibilité, sans la confiance dans les politiciens, surtout dans une démocratie, il n'y a pas de démocratie. Les institutions aussi. Et bien sûr, les institutions, le respect des institutions, c'est Absolument. Le respect du processus électoral, Absolument. C'est le respect des résultats électoraux. La démocratie, oui, c'est la participation, c'est etc. Mais quand il y a le verdict, les urnes tombent, on doit le respecter. Celui qui a gagné, il a une certaine période devant lui pour gérer le pays. Et celui qui a perdu, il doit aller dehors pour organiser, pour mobiliser sa base, pour gagner les prochaines élections. Il y a toujours un travail. C'est pas parce que vous n'êtes pas au pouvoir que tu gardes ou Tarbek, mais Golan Andana. Il y a toujours un travail. Ce que les pseudo-laïcs, pseudo-libéraux, démocrates en Égypte ont fait, ils ont carrément décrédibilisé leur idéologie, leur croyance dans ce processus, dans la démocratie, etc. Et ça, pour moi, c'est un coup du clan, du vieux clan, c'est un Moubarak. De l'ancien régime. Ceux qui disent que c'est révolution 2.0, moi je dis c'est Moubarak 2.0. Absolument. Ils reviennent. Si vous avez lu, il y a eu un très bon article sur un journal anglais qui s'appelle The Guardian, qui raconte la dernière semaine de Morsi. Morsi et ses conseillers savaient très bien ce qui allait se passer le juin 23. Parce que le 23, il y a eu la première rencontre entre Morsi et El Sisi, le général. Et le général lui a dit, il faut que vous partez. Et Morsi a dit, over my dead body, sur mon corps. D'accord. Voilà. Et puis Morsi a essayé d'offrir des concessions, toutes des concessions pour revoir la constitution, des concessions pour avoir des élections anticipées parlementaires, mais pas pas de résignation. Il a raison. Moi, je suis pas islamiste, je ne voterai jamais pour les frères musulmans. Je n'ai pas une grande sympathie pour Morsi parce que c'est pas la même idéologie, mais si vous êtes démocrate, si vous croyez à cette notion, à ce concept qui s'appelle la démocratie, il n'y a pas de choix. C'est une situation qui est noire et blanc. Ouais. En fait, c'est comparable quand même au cas algérien, à plusieurs titres. C'est, on peut donc, si moi je continue dans ton raisonnement, on peut dire des libéraux et des démocrates laïcs et gauche égyptienne, qu'ils ont fait la même erreur que ceux des Algériens qui, en 1992, avaient fait à peu près la même chose. Terre à terre, ils sont montés sur des chars pour ne pas laisser un parti politique gagner des élections. Et là, c'est un reproche qu'on peut leur faire, Yanni, de absolument. La même manière. C'est le même délire, c'est la même faute. Et on connaît le prix à payer par la suite, en fait, et voilà. Absolument, je me rappelle, Néa. J'ai lu que, je me rappelle, j'ai lu un interview des années 92, avant le coup d'État, où une Saïd Saïdi, quel parti déjà DRS non, pas non, DRS. RCD. Désolé. RCD disait qu'il s'est trompé de peuple. Quelque chose comme ça. Il ne croyait pas que le peuple algérien allait voter pour le fils. Mais je ne blâme pas le fils. Je blâme le RCD qui n'a pas su convaincre. La démocratie, il y a dit, il y a les salons, il y a dit, tu as fait un salon où tu as eu le boulot, où il y a pas d'âme. C'est pas de la démocratie. La démocratie, c'est le travail du terrain. Il faut les convaincre, il faut expliquer. L'autre, il est dans le tort. Tu es dans la raison. Il fait un meeting chaque deux mois. Où tu espères gagner les élections, mais c'est de la foutaise. Ça, c'est un problème avec toute la gauche arabe, hein, qui est complètement déconnectée. La gauche arabe, la gauche musulmane, c'est une gauche de salon. C'est une gauche de caviar. Et qui a des réflexes très autoritaires. C'est une gauche qui croit que ils sont bons uniquement s'ils gagnent. Et il s'oublie. Et ça, c'est un gulkaj akhouya. Ça, c'est des séquelles de le colonialisme français. Parce que la gauche française était comme ça aussi. C'était une gauche qui avait la notion normative, c'est-à-dire qu'on est toujours correct et le rachid beaucoup de rahouralat. Si on démarre du principe, il n'y a pas de politique. La politique, c'est l'art du compromis. Dib la position tiak, ou l'autre dib la position tiak, on hâte en abad. Il y a pas, mais on peut pas faire un zero-sum game qui m'égoloha. Parce que zero-sum game, ça aboutit au mur. Il y a toujours des compromis. Dans n'importe quelle politique, sauf sur les principes, les gros, grands principes. Mais le reste, c'est du compromis sur un compromis sur un compromis. Parce qu'il y a celui qui gagne une élection, il ne gagne pas 100% des votes. S'il a un score extraordinaire, il gagne 60%. Ça veut dire qu'il y a 40% al-Barak qui n'ont pas voté pour toi. Donc il faut faire le pas vers les autres. La chose que je reproche à Néal Morsi, et Néal, ça démontre un petit peu quand un parti n'est pas habitué à gouverner comme les frères musulmans, ils n'ont jamais gouverné, ça c'est naturel, c'était une dictature. Ils ont commis une erreur incroyable sur le plan économique, c'est qu'ils ont accepté, et je comprends pourquoi ils ont accepté le plan TIA, le FMI, de réduire les dépenses publiques, d'arrêter les subventions TIA, les produits premiers. Et quand ils ont réduit les dépenses publiques et les subventions, il y a eu les prix à l'essence, les prix à le riz, le pain, etc., ont augmenté. Et quand ils ont réduit les dépenses publiques, Morsi a dû réduire la masse salariale de l'État. Donc il a mis plein de gens dehors. Tu t'en fous du parti, ça devient une affaire personnelle. Donc il a perdu un petit peu de la la confiance que le Rachid Ken Endou fait, ceux qui n'étaient pas forcément islamistes, ceux qui n'étaient pas forcément libéraux, ils l'ont pas soutenu. Il a perdu leur confiance. C'est une réalité, c'est une naïveté. Une naïveté de quelqu'un d'un parti qui n'a pas exercé beaucoup de pouvoir. Mais sinon je pense les institutions financières qui met la FMI ou la Banque mondiale, ils imposent quand même leur truc. Je pense que c'est le cas de l'Égypte parce que c'est la crise économique, y compris pour l'Égypte, même si le sujet de la crise est un sujet à part. Mais c'est vrai que les Égyptiens, ils ont de grosses difficultés à boucler les budgets, etc. Du coup, ils se retrouvent sous l'emprise des institutions internationales. Je pense qu'on peut dire aussi la même chose de la Tunisie, parce qu'on a reproché ça à la Tunisie qui est en train de se faire guider par les programmes du FMI. Mais je pense que ce sont des pays qu'on a asphyxiés économiquement, etc. Et ils sont devenus des proies auprès des institutions internationales. Donc c'est, j'allais dire, blé, je sais pas s'il y avait d'autres solutions. L'Algérie, elle aurait pu aider la Tunisie, par exemple, avec tous les 5 milliards de dollars là qu'elle a prêté au FMI, elle aurait pu les prêter à la Tunisie. Mais non, on les laisse avec leurs difficultés économiques et ils deviennent les proies des institutions. C'est merde quand tu as dit que l'Algérie aurait pu aider la Tunisie. Ouais. Il y a ça à peu près une année et demie, ou là une année. Merzouqi avait besoin, le gouvernement tunisien avait besoin d'un prêt à peu près, je crois, de 36 millions de dollars. Ce n'était pas une somme énorme pour payer les intérêts de la dette et payer les employés de l'État. C'était un prêt d'urgence. Où il a demandé à l'Algérie. Où l'Algérie gâte le non. Où je me rappelle, Ganchouf a fait les marchés, où Ganchouf, la dette tunisienne, elle était attaquée par les marchés financiers. Quand on attaque une dette, ça veut dire l'intérêt de la dette augmente. Donc la dette devient plus chère, c'est tout. Et Ganchouf, la dette tunisienne qui devient plus chère au fur et à mesure. Si ce n'était pas une coalition de pays à leur tête, le Canada, le Venezuela, les États-Unis aussi, il faut dire, qui ont débloqué en urgence 500 millions pour la Tunisie aurait craqué sous la tension des marchés internationaux financiers. Et pourtant, l'Algérie à côté. On l'a fait auparavant, on l'a fait mais plusieurs fois. On l'a prêté, c'est ce qu'on appelle les overnight loans. C'est pas des gros prêts, mais c'est des petits prêts qui va-et-vient pratiquement. On l'a fait plusieurs fois et on le faisait sans un gros. On ne demandait pas un gros intérêt. Et les Tunisiens nous repayaient. C'était pas des prêts à longue durée, c'était des prêts de 6 mois. Et on l'a fait plusieurs fois, mais là, c'est ce que le gouvernement algérien, avant Hada Sallal, là, c'était l'autre, Kfesmir, le premier ministre, Kfesmir, avant Sallal, c'était Bouyahia. C'était carrément, il voulait asphyxier la démocratie tunisienne, où les Tunisiens le savent. Pas les Tunisiens les normaux, les Tunisiens du gouvernement tunisien le savent. La coalition qui est maintenant à la tête savent que l'Algérie ne supporte plus la Tunisie depuis la transition démocratique. Voilà la situation. Je ne sais pas, on a vu aussi par exemple la différence qu'il y a entre les déclarations concernant les événements en Égypte, la différence qu'il y avait entre les déclarations officielles des officiels algériens et la déclaration des officiels tunisiens qui n'était pas tout à fait la même chose, pas du tout. Les Algériens, ils souhaitent tout de suite une transition qui va réussir après le coup d'État. Et la Tunisie, elle a condamné le coup d'État comme d'autres pays, si je ne me trompe pas. Oui, Marzouki a condamné le coup d'État, Renouchi a condamné le coup d'État, le Premier ministre technocrate a fait la même chose. Et là, les généraux, ça nous arrange, un belk. Ça nous arrange. On a fait un coup d'État en 92. Et on voit maintenant que la Tunisie l'Égypte est en train de faire la même chose. Nos généraux sont en train de danser. Bienvenue au club. Ça va se passer comme ça. C'est comme si les généraux Hadel Sisi a donné raison à Khad Nazar. Si j'étais Khad Nazar, je prendrais le téléphone. Commence avec les camps de concentration dans le sud, crée une opération bidon où tu le fais à les innocents, ils vous accusent les frères musulmans. Quand on fait cela, tu retournes l'opinion publique contre les frères musulmans. Et puis, c'est le déclenchement et ça ne va pas finir. Si la situation continue comme ça en Égypte, dans 2-3 mois, vous allez commencer à entendre le mot éradicateur. Si vous vous rappelez du mot éradicateur, les généraux éradicateurs, nous sommes beaucoup. Les Algériens, nous sommes les Algériens. C'est bizarre, on est arrivé à un point où on utilise le mot éradiquer pour parler du peuple algérien. C'est éradiquer, ça veut dire enlever carrément de la carte, de la surface. On dirait extermination. Extermination. On dirait que c'est le Holocauste. La guerre civile, ce qui s'est passé en 92, et puis les 10 ans de la guerre civile, et puis le Khalod a des leaders à Bouteflika depuis 14 ans. On a pris un pas en arrière gigantesque. Bouteflika, ce que Bouteflika a fait, la guerre civile ne l'a pas fait parce qu'il a délégitimé la légitimité de l'État carrément. L'État algérien, il est très faible. Toutes nos institutions sont d'une faiblesse incroyable. Économiquement, on est dans 10-15 années au maximum. On farhanim parce qu'il y a 120 milliards quelque part ou de hasbin rambili, ça va durer. Non. Les États-Unis en 2030, 35, 40 vont commencer non seulement à être indépendants du gaz naturel et du pétrole, mais ils vont commencer à exporter. Ça veut dire que le plus grand client sur le marché du gaz naturel et du pétrole, non seulement on n'achète plus le pétrole et le gaz, mais il va l'exporter. La répercussion sur le marché du pétrole et du gaz, ça va l'effondrement du marché. Pour boucler l'année budgétaire, il nous faut un baril à 111 dollars. Si le marché du baril y a jusqu'à 60, 65, comme les spécialistes sont en train de calculer, si les États-Unis se retirent, ça veut dire qu'on aura un déficit par baril à peu près de 30 à 40 dollars. On ne produit rien. On a un président, que ça fait 3 mois où on me quelque part. C'est quoi l'État Hada? C'est quoi l'Algérie Hada? Un président qui a démissionné carrément. Trois mois, il est quelque part dans une institution médicale, même pas dans son pays. Auprès de la force coloniale. L'ex-force coloniale. Comment ils ont fait alors pour les fêtes officielles du 5 juillet? Ils ont communiqué avec les militaires algériens. Vous êtes les gardiens de la souveraineté nationale, alors qu'ils se trouvent dans un hôpital militaire français. Ouais. Et on parle de la souveraineté nationale. Ouais. C'est quoi, Hadi? Où est-ce qu'on va? On va où? Parce que là, j'arrive plus à répondre à la question, Hadi. Mais je ne vois plus d'avenir dans le Jazair. Politiquement, c'est okay. du bricolage sur le bricolage, dans le bricolage, dans le bricolage. Où va-t-on? Où va le pays? Économiquement, l'éducation, l'université algérienne classée dernière en Afrique, parmi les dernières en Afrique, ça veut dire classée parmi les dernières au monde. Où va-t-on comme ça? Quand on écrit quelque chose, j'écris un blog et on publie, et j'ai ou il dit que tu as harqué ou kda ou kda ou malaisemkch tahki ala Bouteflika. Bon, je m'en fous de la personne de Bouteflika, je critique pas la personne de Bouteflika, je critique sa fonction. Bouteflika n'est pas un être humain, parce qu'il a, quand on devient président de la République, on n'est plus responsable, on n'est plus un être humain, on devient l'office, on devient la position même. Exactement. Ben oui. Ils ont tort, les gens qui disent non. Surtout que le béaba et le truc basique, en fait, c'est que quand on interpelle un président de la République, soit on a des réponses, soit on n'a pas, soit on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on peut pas dire aux gens non, n'interpellez pas le président de la République. Si on n'interpelle pas le président de la République, qui c'est qu'on va interpeller? C'est le premier responsable du pays, donc on l'interpelle. C'est le béaba du citoyen. Surtout comme dans un système hyper présidentiel comme la absolument, Chine. Absolument. Hyper présidentiel. On n'a pas un système présidentiel. On a un système hyper présidentiel. Par exemple, si la Banque nationale, la Banque centrale algérienne a besoin d'un prêt, ou là, par exemple, le dinar algérien est attaqué par les marchés financiers, pour débloquer des sommes d'un compte à un autre, il faut la signature du président. Je connais les signifiants. Ou si il me rabbi quelque part. Alors qu'il y a des milliers de gens cancéreux au Jazair. Mais je n'ai même pas les médicaments, docteur, la chimiothérapie. Ouais. C'est quoi, là? Allez, il y a la situation, mon frère. Qu'est-ce que je voulais dire? Si j'ai débordé du sujet. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. On voulait aussi le lier au cas algérien parce que voilà, l'Algérie aussi, ils ont fait un coup d'État et compagnie, tout ça pour sauver la République et 20 ans plus tard, voilà le tableau, c'est celui que tu es en train de faire. On souhaite pas ça pour les Égyptiens en fait et voilà, en fait le parallèle est là. En 92, j'aurais aimé que le deuxième tour yukhraj, il chale sur le deuxième tour. Ou le fils, il dit le deux, parce qu'il était sur la voie de gagner le deuxième tour. Et puis l'opposition s'organise. Bien sûr. Il y avait d'autres sorties, bien sûr. Ils mettent la pression sur le fils au Parlement. Et partout, ils s'organisent pour les présidentielles, parce qu'il y avait une autre élection après le Parlement. Ouais. Puis il y a des institutions, il y a la loi, il y a la constitution. Choisir un candidat commun que toute l'opposition supportait. Et voilà un contre-pouvoir au Parlement qui est dominé par le fils. Parce qu'à l'époque, la constitution, si je vous rappelle, de 92, donnait le droit de veto du président sur les lois passées par le Parlement. Les démocrates, soi-disant démocrates, c'est un gros mot, hein, le cas algérien. Et ils ont paniqué à l'Ijri ou les déclarations à comme ils vont. Il faut résister, la démocratie, c'est pas la parole, c'est du travail. C'est du travail de terrain. Travail du terrain de chaque jour. C'est la démocratie, c'est ce qui est le droit, c'est le kawi, ou c'est ce qui est le salon entre vous, entre eux, Park. Les petites cliques, c'est pas de la démocratie, Eric. C'est de l'élitisme arriéré. Et on en paye le prix fort. Merci à toi pour l'intervention. J'ai pu vous avoir enfin. Akhoya Mrahbabik, voilà les horaires en fait, c'est tous les samedis soirs. Et puis c'est un plaisir de t'avoir comme ça pour avoir ton avis sur les événements. On en refera encore d'autres émissions. Inch'Allah. ou Ramadan Moubarak, Roya, parce que c'est dans quelques jours. C'est vrai, c'est dans à peine 3 jours ou là. Oui. Roya, merci, merci beaucoup. Sahar Ramadan qui était venu d'avance. À très bientôt, Inch'Allah. Voilà, voilà, Khaouti, merci beaucoup, Tahar, qui nous appelle, donc, des États-Unis, algérien, il a un blog aussi qui s'appelle La 7e Wilaya, cherchez dans Google La 7e Wilaya, vous allez trouver son blog, ses interventions, ses réflexions, ses analyses économiques, c'est très intéressant, moi j'étais content de l'avoir, je le remercie encore une fois, merci Tahar pour ton point de vue. Khaouti, nous sommes toujours sur Radio Chicha, il est 20h45. Sa'a 9 et la roba. Marhaba bikoum, si vous voulez intervenir, ça se passe sur sur Skype, il faut appeler Chicha DZ. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les événements en Égypte. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? C'est le sujet, il est ouvert. Ahdath Masr, l'inqilab al-askari. Hal tadhunnun, hal ta'tabirun ma hadath انقلاب ام لا لانه فيه ناس يعني يقولوا انه ماشي انقلاب وعادي انه الجيش يتدخل لانه الاسلاميين الاخوان الاسلاميين تعداوا على حقوق الناس وارهبوا الناس اتسترا. انا تحدثت مع يعني مع اصحاب زملاء يقولوا لي هكا يعني باللي سي نورمال كو ديتا باسكو يا في اون سيتوياسيون دانسيكوريتي بي لي فرير musulmans ils ont ça dit il y a une manifestation dans la rue contre le président Morsi, c'est normal que l'armée intervienne. Donc chacun son point de vue. Moi, j'ai donné mon point de vue sur ma page vidéo, si vous voulez le voir, Chicha DZ sur YouTube. Moi, je suis pas d'accord avec le coup d'État. Je pense qu'une intervention militaire n'a aucun sens quand on veut parler de démocratie. Surtout, une intervention militaire contre la volonté des urnes, ça, les résultats des urnes, puisque les frères musulmans ont gagné la majorité dans la plupart des élections. Ils ont gagné l'élection présidentielle avec leur président. Et puis, j'allais dire, le combat politique, il était ouvert et voilà, c'est les gens, ils doivent convaincre les citoyens pour voter pour eux et c'est cela aussi le processus politique que tout le monde doit respecter. On a vu qu'en Égypte, l'armée ne l'a pas respecté. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Si vous voulez participer, vous appelez Chicha DZ sur Skype. Vous passerez en direct. Je suis désolé auprès des personnes qui ont essayé de passer. Je voulais pas trop couper l'auditeur précédent. Mais là, c'est ouvert. Marhaba bikoum. Si il y a pas d'appel, je vous passe un petit peu de musique. Et on se retrouve juste après Cheikh Sidi Bémol. تستمعون إلى راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. سلاني كاع كانوا حابسين كيف ما يخدموش خلاص تريسيتي الغاز مقطوعين توحشت القهوة بالأفراس والشر عند الباب يعس ويقابر كيفاش نقي بس ساعتي قربت تتصوني دورتها بندي سامحوني ساعتي قربت تتصوني دورتها بندي سامحوني للزنقة خرجت معول وفي يدي مطرق كبير صرعت اللي جاز الاول خليته خلي. الو الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. Désolé, donc il y a une auditrice qui a essayé, visiblement c'est une auditrice qui a essayé d'appeler, ça n'est pas passé, moi je vous, en fait je vous invite à appeler sur Chicha DZ, là c'est pas passé, désolé. Donc si vous voulez passer, n'hésitez pas à appeler Hachicha DZ sur Skype. Le sujet Talium, c'est ce qui se passe en Égypte, le coup d'État qui s'est produit contre le président Morsi. Et on a vu que depuis 3 jours, il y a déjà plusieurs morts, puisque il y a des affrontements entre les pros et les contre le coup d'État, ou les pros et les contre Morsi, c'est selon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chacun son avis en fait. J'ai vu que les Algériens sont divisés, un petit peu divisés, ou là tout le monde est d'accord, je ne sais pas. Mais les Algériens, je pense que ça leur rappelle quand même les événements qui se sont produits en Algérie il y a très longtemps. Ça s'est produit il y a déjà 20 ans en fait, ou 21 ans. En 92, quand l'armée est intervenue contre le Front islamique du Salut, qui avait gagné une majorité relative, pas une majorité absolue, mais qui avait gagné la majorité au premier tour des élections législatives, les premières élections législatives algériennes qu'on a considérées libres. Elles ont donné une majorité au fils. Ensuite, ça a dérapé, comme les Algériens l'ont vécu. Ils le savent, ils connaissent ce que c'est. C'est pour ça qu'un coup d'État militaire en Égypte, ça interpelle les Algériens. J'ai vu que ça a fait beaucoup d'échanges très chauds sur les pages Facebook, sur les sites Internet, sur les commentaires et tout. Il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui sont pas d'accord. Voilà, c'est le sujet de ce soir sur Radio Hachicha. Si vous voulez intervenir, il suffit d'appeler Hachicha DZ sur Skype. J'invite la personne qui a essayé d'appeler là, si elle veut rappeler, si elle veut passer. Marhaba Bik, je passe une musique. En attendant les prochains appels, je vous passe Terra Kaft. Allô, allô, salam alaikum. Salam alaikum, bonsoir, c'est Mère. Marhaba bik, khouya. Chérif. Ah, chérif, pardon. C'est chérif, alors pareil, vous savez. Oui, marhaba bik, merci pour l'appel. De rien, khouya, de rien. Ben, j'appelle, hein, comme j'ai entendu un petit peu ce qui vient de se dire par les différents auditeurs, etc., sur justement le coup d'État qui s'est passé en Égypte dernièrement. Voilà, je voulais juste donner mon petit avis, on va dire. Hein, tout très bien. Très bien, marhaba bik. Voilà, et moi ce que je pense, déjà, à la base, je pense que c'est un coup d'État. Je pense qu'il n'y a pas de... Même ceux qui disent qu'il est nécessaire, ils sont quand même d'accord sur le fait que c'est un coup d'État. Sauf que derrière ce coup d'État, il y a plein de justifications, il y a plein de détours, on joue avec les mots, etc. Je pense que cet événement, bien que c'est vrai que l'analyse comparative elle est un petit peu compliquée d'un pays à un autre, etc. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que nos dictatures militaires se ressemblent beaucoup et se nourrissent les unes les autres. L'Algérie, dans son coup d'État en 92 et dans son traitement avec les islamistes et la population, etc., elle s'est pas privée de profiter de l'expérience de l'armée égyptienne avec les frères musulmans. Elle a bien profité de leur expérience. Il y a eu un échange aussi, notamment dans les tortures, etc. Donc nos dictatures se ressemblent beaucoup et se nourrissent, bien qu'on ne peut pas comparer tout. Et n'importe comment, mais il y a lieu quand même de rapprocher les deux événements fortement. Maintenant, moi je trouve que cette question elle est intéressante et dans le sens où elle interpelle les Algériens et notamment les laïcs et les démocrates, ceux qui aspirent à une société nouvelle, etc. Je pense qu'elle met certains à mal avec leurs principes. Elle nous met à mal face à ce que nous prenons et ce que nous voulons. On voit bien certaines personnes ou certains groupes qui prennent justement un état démocratique, etc. Mais c'est toujours là, on voit vraiment que leur conviction démocratique et laïque, etc., elle n'est pas bien ancrée. Elle est en fonction de celui qui est en face. Ou soit on aspire à être démocrate et on l'a en soi et on en est convaincu pour modeler notre société, ou soit on ne l'est pas. On n'est pas démocrate en fonction de celui qui est en face. Ça veut dire que quand j'ai un islamiste, je deviens éradicateur, je deviens militaro-citoyen, je ne sais pas quoi. Et quand il s'agit d'une personne dont les convictions se rapprochent, je deviens démocrate. La démocratie n'est pas seulement dans le confort, elle est aussi dans l'épreuve. Donc là, on voit très bien qu'il y a des gens qui sont, leurs arguments ne tiennent pas debout du tout. Ils n'arrivent pas à dire que ce n'est pas un putsch et un coup d'État, puisque c'en est un, il est clair. Et ils n'arrivent pas non plus à le justifier, puisqu'il est injustifiable. On ne peut pas, en tant que démocrate, justifier un coup d'État. Maintenant, on a accepté le jeu. Notre société, nos sociétés en général, elles sont composées d'islamistes. L'islamisme, ou les gens qui tendent vers la politique islamiste, etc., avec différents programmes et différents degrés, hein, il y a les radicaux, etc., il ne faut pas tous les mettre dans le même paquet non plus, comme les démocrates, on ne les met pas tous non plus dans le même paquet, et c'est une composante sociale, ils font partie de la société, ils existent, ce n'est pas seulement des slogans, ce n'est pas seulement des partis politiques, c'est une masse de gens, de femmes, d'enfants, de familles, qui ont cette vision des choses. Nous devons la respecter aussi, on ne peut pas les éliminer tous, ça ne sera pas possible. Cette solution, elle est illusoire, elle n'existe pas de zapper une catégorie de notre société, bien qu'on ne soit pas d'accord avec eux, mais pour ça, il faut mettre les mécanismes pour qu'on interfère avec eux, pour qu'on puisse relier le pouvoir, ou qu'on puisse peut-être les battre aussi et refuser leur programme. Il faut qu'on respecte certains mécanismes et certaines manières de faire. On ne peut pas avoir comme projet en tant que démocrate l'éradication ou l'exclusion de toute une partie de la société, même si on n'est pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux, on n'est pas d'accord avec eux, on discute ou on se crée notre propre programme, etc., pour les contrer, mais il n'est pas question de penser qu'il serait possible de les exterminer, que ce soit politiquement ou physiquement. Ce n'est pas possible, je ne sais pas comment certaines personnes arrivent à penser cela. Et on voit très bien dans leur discours fragile que c'est de l'illusion. C'est une illusion. Ils espèrent ne plus dormir un jour et se réveiller, de ne plus voir les islamistes dans notre société. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. On règle les problèmes en acceptant la réalité, en acceptant ses composantes et en traitant avec elles. Non, en voulant la dénier ou la zapper. Et c'est ce qui s'est passé en Algérie. Ça veut dire qu'on a eu aussi, et comme l'un des intervenants l'a si bien dit, on a eu des démocrates intellectualisant les débats, très très loin de la population, il n'y avait pas de travail de terrain, c'était juste de la philosophie. Ils se sont réveillés un jour avec un raz-de-marée d'islamistes qui eux étaient proches de la population. Ils étaient dans les crèches, ils étaient dans les hôpitaux, ils étaient dans la création des marchés à moindre prix. On peut dire ce qu'on veut, hein, pour ou contre, bien ou mal, ça c'est pas la question. La question c'est que eux, ils ont compris comment ça devait marcher et ils ont fait leur boulot de politiciens, ça veut dire se rapprocher de la population. Et le jour où il y a eu un raz-de-marée, eh ben, ceux qui ont dormi, qui s'en foutaient de la population, qui ne tenaient juste qu'au slogan, qu'au salon, les grands discours, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé à l'armée. Et c'est une des notions de la démocratie qui existe chez nous. Ça veut dire que pas de boulot, pas de travail, pas de casse-tête, pas de etc. Et quand on est à mal, ben, y a l'armée qui est là. Donc on est devenu des démocrato-militaro, je ne sais pas quoi, on peut les appeler comme on veut, mais c'est sûrement pas des démocrates. Donc je pense que si nous voulons, ou si on n'est pas d'accord avec les islamistes, il va falloir s'y mettre, à travailler, à démocratiser justement le débat, puisqu'il s'agit de démocratie, à vulgariser les notions de démocratie, etc., les mettre à disposition de la population et ne pas rester dans la raideur intellectuelle qui ne parle pas à la population. Il va falloir s'y mettre. Mais pas par un coup d'État, ça ne sera jamais. Au contraire, je pense que là, autant le régime algérien que anciennement que le régime égyptien sont en train de frapper deux coups avec une pierre. Ça veut dire, ils frappent les islamistes qui les menacent, parce qu'aussi il y avait énormément de règlements de comptes financiers, judiciaires, etc., qui allaient émerger. Ils ont coupé tout de suite. Mais il y a aussi, ils frappent les démocrates. Ils frappent les démocrates en les mettant à mal avec la population sur leurs convictions. Qui va demain croire un démocrate quand il est pour un putsch? Comment je peux le croire? Et on leur pose la question. Ok, aujourd'hui vous estimez, vous nous sortez des prétextes, etc. La situation est grave, le terrorisme, ça y est, tout est né d'un coup là. Ok, bon, vous dites que c'est indispensable un putsch. Il est légitime puisqu'il est urgent et on n'a pas un autre choix. Qui garantit demain que l'armée ne refera pas le même coup, même pour les démocrates? Qui le garantit? Qui nous donne une garantie qui serait convaincante? Elle n'existera pas, et elle n'existe pas. Ce n'est pas vrai, c'est de l'illusion. Ils veulent régler et satisfaire leur désir de ne plus voir d'opposants pertinents avec l'armée ou le Grodouane Chouf. Premièrement, éliminant d'abord, même avec Shaitan, même avec l'armée, même avec les ennemis extérieurs, tout ce que. Là, les démocrates, ils sont en train de combiner avec tout ce qui leur tombe sous la main pour éliminer leurs opposants, ou ceux qui ne sont pas d'accord avec eux dans leur vision, etc. Et après, on verra. Mais on verra quoi demain? On verra la légitimité donnée à l'armée. À l'armée qui n'est pas apte à gérer la société, qui n'est pas apte à gérer la politique. Voilà ce qui est en train de se construire en ce moment et ce qui est en train d'émerger dans le débat. Et c'est mon avis, quoi. C'est mon avis. Très bien, merci beaucoup. C'est clair. Non, sinon, je voulais juste une petite chose à propos. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que on a quand même une partie de notre société ou de notre société politique, j'allais dire, qui dit les islamistes. On peut pas traiter avec les islamistes et les islamistes, il faut les éliminer. Il faut leur faire la guerre et ça pousse même une bonne partie d'entre eux à soutenir un coup d'État et se mettre du côté du pouvoir militaire et tout. Est-ce que c'est-à-dire justement est-ce que c'est pas le fond du problème concernant nos pays, l'Algérie d'ailleurs, mais sinon la Tunisie, l'Égypte et tout, c'est-à-dire il faut un compromis politique entre toutes les composantes de la société, qu'ils soient laïcs, démocrates ou islamistes, qui eux en général forment une majorité souvent relative, est-ce qu'il ne s'agit pas de faire quand même un compromis? Sinon, notre avenir est vraiment, c'est-à-dire en danger. On a vu ce qui s'est passé en Égypte, comment Yannis a explosé entre les laïcs, la gauche et les islamistes de l'autre côté. Ça a explosé. Ça a fait intervenir l'armée. C'était le cas de l'Algérie déjà il y a 20 ans, où on avait fait une division entre les deux camps Haka, jusqu'à ce que ça a créé un conflit armé et qui a coûté très cher pour les Algériens. Est-ce que c'est vraiment pas, c'est pas ça, Yanni, le fond de notre problème en fait? Il nous faut ce compromis. Exactement, Samir. Mais moi je voudrais mettre un mot sur ça. Et surtout vis-à-vis des démocrates et des laïcs. J'appellerais ça de la fainéantise intellectuelle. Ça veut dire qu'on nous dit qu'il n'y a pas autre solution que le putsch et le coup de force, parce que on ne fait pas l'effort d'analyser, d'étudier, de sortir toutes les composantes, tous les éléments qui forment notre société pour pouvoir trouver une solution et avec laquelle on puisse traiter le problème d'une manière satisfaisante qui ferait l'équilibre du pays. les militaires, comme ils sont à la base pas intellectuels du tout, forcément, ils nous ramènent que des éléments tout faciles, tout faits, la force, etc. Mais les démocrates, eux, ils peuvent quand même prendre la peine de réfléchir à notre société, aussi complexe qu'il soit le problème. Nous ne pouvons pas aller vers la facilité en disant il n'y a pas de solution, ça ne pourrait pas aller, etc. Pourquoi les autres sociétés ont eu beaucoup d'autres problèmes que nous, hein, avec la religion, avec plein de choses, ils en sont quand même arrivés à trouver la solution. La solution, elle vient déjà dans les esprits. Si moi, déjà, dans ma tête, sans avoir fait l'effort d'étudier, d'approfondir, de regarder de quoi est composé le problème, comment je pourrais lui trouver une solution? Comment? Personne ne veut réfléchir à la chose, on se dit juste, c'est complexe, ou soit on règle ça par la force, ou soit c'est les islamistes qui vont nous bouffer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si on se met un petit peu à réfléchir et à accepter l'idée d'abord qu'on pourrait trouver un compromis, il faut déjà avoir cette tolérance de se dire « je pourrais vivre avec un islamiste et me relier le pouvoir avec lui, mais comment faire seulement ?» Comment faire seulement? Il faut déjà accepter l'idée que je pourrais vivre avec un autre Algérien qui a une idée ou qui a des idées complètement opposées aux miennes. Si j'accepte cette idée en moi, je pourrais trouver la solution. Mais si je commence déjà par me dire que lui, je ne pourrais jamais vivre avec lui, ben forcément, on va vers la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte en ce moment? Ce qui s'est passé en Algérie, on a sorti la population d'un mécanisme et un processus bien que naissant démocratique et on les a confrontés dans la rue. Ce qui devait se passer aux urnes, il s'est passé dans la rue. Les gens sont en train de se battre à coups de pierre et à coups de balle. Le sang est en train de se verser, alors que ce combat-là, il aurait été plus digne et plus intelligent dans les urnes. Et des gens, autrefois, ils disent, attendez, vous parlez des urnes, la démocratie, c'est pas que les urnes. Excusez-moi, c'est pas que les urnes, bien sûr, mais les urnes, c'est la synthèse. C'est la synthèse d'un processus, c'est la synthèse de la bonne santé, de la marche d'une société et des interactions entre les différentes composantes de la société. Les urnes, ça synthétise tout le travail bien fait qui régule une société dans son rapport au pouvoir, dans son relais par rapport au pouvoir. Et aujourd'hui, on nous dit, il n'y a pas de solution avec ces gens-là, on ne peut pas vivre avec eux. Pourquoi je ne pourrais pas vivre avec un Algérien qui a des idées contraires au moins? Comme quoi l'Algérie, c'est-à-dire finalement il faut que tout le monde ait en tête, et même les islamistes ils doivent avoir en tête, l'Algérie, elle appartient à tout le monde, et c'est vrai qu'il y a une majorité, il y a une minorité, il y a des règles de base fondamentales qu'il faut que tout le monde respecte. Ensuite, l'Algérie, elle peut avoir des Algériens islamistes, comme elle peut avoir des Algériens communistes ou des Algériens qui sont à gauche, à droite et tout, et que les gens respectent ce principe. Tout à fait. Je pense que si on s'y met sérieusement et qu'on le veuille bien, c'est une question de volonté aussi. C'est une question de volonté. Je pense qu'il y a des volontés derrière qui ne veulent pas instaurer ce genre d'échange entre la société. Ils ne le veulent pas, ça ne les arrange pas, parce que ça, c'est un signe d'intelligence dans les sociétés qui puissent vivre ensemble avec des contradictions. Ça, c'est un signe d'intelligence et de réussite sociale et nationale. Et ça, on a des gens qui n'en veulent pas, parce que leur profit est dans l'ignorance des sociétés. Leur profit consiste dans, justement, la guéguerre entre la société pour que eux, ils puissent exister, puisqu'ils ont toujours existé sur cette base-là. Je pense qu'il faut aujourd'hui que nos sociétés, il faut vraiment qu'on diffuse ces notions de possibilité de vivre avec ceux qui ne prennent pas nos convictions et nos façons de voir les choses. Il faut que ces idées soient acceptables. Il faut qu'on essaye de les diffuser à chaque fois et qu'on en parle à chaque fois pour que les Algériens puissent voir la possibilité. Aujourd'hui, la possibilité est fermée dans les esprits déjà, dans les esprits. C'est de cela qu'on doit se libérer. Et on nous sort toujours d'ailleurs les craintes, terrorisme, patati, patata, patata, tout ça, c'est pour bloquer la réflexion. Je pense qu'on doit avoir le courage de réfléchir sur des choses qui nous paraissent impossibles. Il faut qu'on aborde ça déjà, il faut qu'on mette le pied dedans, il faut qu'on voit les possibilités. Tout se règle, il n'y a pas d'impossibilité. Ça n'existe pas. Si on y met l'effort, si on y met la volonté, si on y met les mécanismes, si on y met les moyens, au niveau de l'éducation, au niveau des universités, au niveau de la recherche, au niveau de la participation de nos élites, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est possible. Je pense que cette idée, elle doit primer chez nous, sinon on ne peut pas réussir. On ne peut pas réussir si on considère que celui qui a des idées contraires est un ennemi. À la base, déjà, on en parle comme un ennemi. Non, un opposant, quelqu'un qui a des idées contraires, n'est pas mon ennemi. N'est pas mon ennemi. Je ne le hais pas. On est des adversaires politiques. Exactement, exactement. Et c'est là où on reconnaît la dignité dans le combat politique, etc. Aujourd'hui, on voit vraiment certaines personnes qui ont jeté leur chemise de démocrate, etc., en allant vers la simplicité, quoi, et le simplisme. Tout de suite, non, il te met un package de mots tout fait, etc., et il te les jette comme ça pour te dire c'est impossible, n'essaye pas, ça marche pas, le putsch, donc, il est justifié. Ben non, le putsch n'est pas justifié. Le putsch, il est contre toute tendance, qu'elle soit islamiste ou démocrate. C'est notre ennemi, c'est le putsch. Ouais. Notre ennemi, c'est cette culture du putsch. C'est ça notre vrai ennemi. Mmh. C'est ça, c'est cela qu'on doit dépasser. C'est cette culture et cette philosophie du putsch. Ça, ça doit être aboli de nos sociétés. Il faut que ça disparaisse même des pensées. Il faut qu'on puisse réfléchir et pour qu'on puisse se dire qu'il y a possibilité de vivre ensemble, de se relayer le pouvoir, etc., tout en étant opposant, etc. Il faut que cette possibilité-là puisse exister dans les esprits. Et ça, c'est à nous de le faire, d'en parler, d'oser en parler. Parce qu'il y a des gens, quand tu parles du putsch, ils disent « Ah, tu es islamiste ». L'autre, quand tu parles de la démocratie, « T'es kafir ». Non. Il faut oser parler, il faut oser creuser ces questions, il faut oser les aborder pour qu'elles puissent exister et commencer à exister. Donc nous on dit, les islamistes, ils ont droit de citer, on ne veut pas les éradiquer, on ne veut pas les tuer, moi je veux tuer aucun Algérien, sous aucun prétexte, je ne peux permettre l'exécution d'un Algérien ou son emprisonnement d'une manière injuste, quelles que soient ses idées. On ne peut pas se le permettre. Et ça, il faut que ça soit dit, et il faut le répéter, il faut l'injecter dans notre société pour qu'on puisse redémarrer dans un autre sens de réflexion et ne pas rester bloqué sur l'impossibilité des choses. Rien n'est impossible, et si les sociétés occidentales, elles ont réussi à dépasser ces problèmes-là, parce qu'elles sont passées aussi par là, hein, on est en train de passer par les mêmes problèmes, c'est parce qu'ils ont osé poser les tabous, ils ont osé les discuter, ils ont osé dire leurs convictions et leur voilà. Dans un échange, bien sûr, toujours pacifique, etc. Mais la culture du putsch et des militaires au pouvoir qui n'ont rien à faire dans la politique, il est refusé. Il est refusé et c'est catégoriquement quoi. Très bien, c'est très clair. Atek Saha, j'espère que l'expérience égyptienne va nous apprendre beaucoup de choses. Et merci à toi pour ton intervention. Merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Roya Sherif. Merci beaucoup, Sherif, qui nous appelle d'Algérie, ou la Maranich Galtiani. À propos des événements en Égypte, du coup d'État qui vient de se produire contre un président élu démocratiquement, vous pouvez intervenir, Khaouti, les auditeurs. Vous pouvez nous appeler sur Skype, vous pouvez appeler Chicha DZ si vous avez un point de vue à partager avec nous, avec les auditeurs. Je remercie tous ceux qui ont déjà appelé et notre sujet, les événements en Égypte. Marhaba bikoum, ça se passe en direct, nous sommes en live sur radiohchicha.com. S'il n'y a pas d'appel, je suis désolé, il y a eu quelques bips. Si vous voulez rappeler, Khaouti, vous êtes les bienvenus. Sinon, on va passer un tout petit peu de musique en attendant les appels suivants. Donc, sujet, les événements en Égypte, vous pouvez participer à Abr Skype, Hchicha DZ. تستمعون إلى راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. En moyenne, par occidental, la dalle pour les enfants du Darfour. Évidemment, pas d'eau potable, des lettres, des tables de maths, un cerveau pour nos chérubins, la dette, pas d'école, pas de cartable pour le petit Africain. 70 litres de flotte par jour en moyenne, par occidental, des milliards de dollars par jour dans la bourse du grand capital. Un sac de riz par famille, une fois par semaine des protéines. C'est quand il n'y a pas de famine que l'Afrique mange à ce régime. 70 litres de flotte par jour en moyenne, par occidental, l'hôpital du travail tous les jours, une sécurité sociale, trois boulots mal payés, la marmaille à faire manger, un docteur pour trois villages, le HIV qui se propage. 70 litres de flotte par jour en moyenne, par occidental, pendant que tous les jours le tiers-monde attend son casse-dalle. L'être humain préfère à l'amour un gros tas d'argent sale, et leurs chefs font comme tous les jours, ils grossissent leur capital. 70 litres de flotte par jour en moyenne, par occidental, un fossé qui se creuse plus chaque jour, une nouvelle guerre, un nouvel arsenal, pour que le ricain reste au vert. Il n'y a pas de problème, c'est le groupe Désert Rebelle. Sinon, Amine, qu'est-ce que tu penses de notre problème, la contrainte ce soir, les événements en Égypte? Alors, Annette, d'abord, je tiens à remercier les gens qui ont intervenu. Je les ai écoutés avec beaucoup d'intérêt. Franchement, ça fait plaisir. Il y a des analyses très pertinentes et des gens qui... Franchement, ça fait plaisir. Franchement, hein. Et quant à mon point de vue, c'est très simple. C'est un putsch, c'est un coup d'État. Malgré que je suis plutôt tendance démocratique, hein, c'est pas islamiste. Mais maintenant, les gens, chef, intakhab, hizb, lazmi yqa'd fil hukm. Maqdarch, n'importe quel problème, l'armée intervient. L'armée ma'moula bach t'hami ala l'watan. Maintenant, ala l'watan dialhum, Masr. C'est tout. خلاص المهمة ديالهم هنايا. أبري بوركوا انترفينير باش تنحي بنادم انتخبو شاب في الصندوق سي بالك سي لا بروميير فوا وين صراو دي زيليكسيون فريمون ديموكراتيك تنحيهم هكذاك. أنا جو نو سوي با دو تو داكور اي سي اكزاكتومون لو ميم سيناريو اللي صرا في الجيري ان 91 سي اكزاكتومون لا ميم شوز. معناتها يفو با واحد هادي سي ان بوتش سي ان كو ديتا يفو نومي لا فيس كيما يكونوا معناتها ما نقدروش نخرجوا ولا ندخلوا. يفو تانيك سافوار كو الكورون اسلاميك سي سي لي لا ايل اكزيست يفو لاكسبتي تانيك تشوفو. ميم لي ديموكرات الناس اللي يحكيو بالليبراليه ولا الاشتراكيه ولا بالديمقراطيه اون جينيرال بالكورون اسلاميست يا خويا سي اون توندونس يفو لاكسبتي. هي سي فري كو سي ان شوا بار انا بور موا ما بروبر اناليز سي ان شوا بار ديفو دو لا بوبولاسيون كي فاس او مور. انا ما بروبر اناليز اي سي انا نقول هذا الشيء معناتها ماشي واش بار او نو دو بيرسون معناتها ما ننتمي الى اي حزب. مي جو سي كو معناتها الناس اللي الشارع العربي اون جينيرال كي تبع هاد لا موفونس سي باسكو لي فاسو مور معناتها سي ان شوا بار ديفو تاع الشعوب. مي فو لاكسبتي اي ما تقولش على هاد الشاب ماشي واعي ولا سي سا احنا اون فو فير دو لا ديموكراسي سي سا اي فو الفير. Et qu'est-ce que tu penses, parce qu'en fait, il y a un argument عند الناس هذو يقولوا دائما, enfin, je crois, je lis haka ce qu'ils disent, ils disent qu'il y a eu quand même, je sais pas, on parle d'une pétition de 20 millions d'Égyptiens qui étaient contre Morsi et tout, et donc c'est normal, l'armée, elle n'a fait que exécuter le Matalib Shab, c'est-à-dire c'était le peuple qui voulait ça, et du coup... il justifie le putsch militaire de cette manière. Qu'est-ce que tu en penses, Nte? Je me tiens à ma position. 20 millions, Allah l'achète, 50 millions. Je vais un exemple très simple. Par exemple, l'Occident, je vais vous dire en France, imagine que Hollande, il est vraiment au plus bas des sondages. La popularité de l'Allah, il est au plus bas des sondages. Et c'est quasiment tout le monde qui s'est retourné contre lui, parce que c'était un vote par défaut technique. Parce que Sarkozy, il n'a pas réussi le mandat de l'ELO. C'est comme si, donc, le chef, il aurait dit une pétition, ben, j'ai dit François Hollande, mais le chouk, ou l'armée, dit, ah oui, je justifie le fait que, parce que le chef, dans la rue, c'est pas ça la démocratie. Et en plus, il faut savoir, c'est un des défauts de la démocratie, c'est connu, c'est que 49% les gens, les votants, comptent les 5, enfin, ils ont élu un président à 51%, ils existent un écadoma, mais il faut qu'ils soient dans l'opposition, il faut qu'ils acceptent le fait que 51% des gens, ils ont élu, il faut l'accepter. C'est ça la démocratie. Mais 49%, ça peut représenter beaucoup de personnes, Samira. Dans un pays tel que l'Égypte, par exemple, je ne sais pas, je suis allé à 80 millions ou là. 80 millions, mais, ouais. 80 millions, ben ça représente 20 millions. Non, maintenant, il en manque encore, il en manque encore 20 millions de pétitions. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est pas comme ça. Ce qui va, on va dans le vote le jour dans 4 ans ou 5 ans. C'est tout, hein, c'est très simple. En principe, c'est ça. Moi, ce que j'ai répondu, Yanné, quand j'ai l'occasion de discuter sur ça, moi, j'ai répondu, Billy, on a beau signer des pétitions. La pétition, elle est très difficile à vérifier. Si vous pouvez nous vérifier une pétition, t'as 20 millions, Masri, moi, je suis preneur, je veux bien voir comment vous procédez pour vérifier cette pétition. Donc, elle peut être vraie, mais comme elle peut être fausse, cette pétition, c'est-à-dire que c'est un chiffre qu'on a lancé comme ça, et que personne ne peut vérifier et tout. Par ailleurs, Kim Agul, tu as donné un bon exemple, c'est mon avis aussi, c'est pas, on peut prendre l'exemple de en France. Moi, je me rappelle, il y a à peine quelques années, Sarkozy avait répondu, parce qu'il y a eu une grande manifestation, je ne sais plus quelle loi, c'était les retraites, ou les, je ne sais plus, il y a eu une grosse manifestation. Sarkozy a dit d'une manière ferme, parce qu'il sait ce qu'il dit, même si on n'est pas d'accord avec lui de toute façon, il dit, ce n'est pas la rue qui gouverne. Allez, parce que on est dans un système démocratique qui fait que il y a des mécanismes de gouvernement, des mécanismes de transition, des mécanismes d'alternance et tout, qu'on doit respecter si on considère qu'on est toujours dans un système démocratique. Et l'armée, elle est là justement pour veiller à ce que les lois et le système fonctionnent. Et les institutions, dans un pays. Absolument. Voilà. Absolument, et on a fait tout à fait un truc qui ne tient absolument pas la route. Par ailleurs, il n'y a rien à dire, Yanné, sur le fait que, Yahoya, c'est-à-dire, pour gagner des élections, il faut convaincre les gens, politiquement, et on n'a pas à chercher des explications un peu, des fois, tirées par les cheveux pour expliquer le khida, c'est-à-dire, quand tu fais un coup d'État, ça veut dire que tu as donné un coup sous la ceinture, on appelle ça en fait, c'est, tu as été en dehors de la loi, tu as été hors la loi. Ben oui. Non, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et donc voilà le problème. Et je pense que ça va prendre beaucoup, mais énormément de temps et beaucoup de travail de société, beaucoup de travail des associations. Ça, il faut que ça commence du niveau le plus bas, parce qu'on est très, très, très, très, très loin. De toute façon, même maintenant en Europe, ça a pris beaucoup de temps pour que le système se mette en place. La France, par exemple, c'est depuis 1789. Ouais. Et encore, il y a des problèmes. Ça peut se couper parce que là, je vais prendre le train. Il n'y a aucun problème. Je vais patienter encore 30 minutes. Merci, Mouskil Khoya. Non, c'est très gentil d'avoir appelé. Merci à toi. Et bon voyage. Prends le train tranquille. Merci pour l'appel. Inch'Allah, c'est avec plaisir. C'est avec un grand intérêt que je me mets à ma radio chaque samedi pour écouter ton émission. Franchement, courage. Merci. Et c'est en parlant qu'on peut au moins communiquer les problèmes. Merci pour les résoudre, mais au moins les communiquer, les mettre en place. Balaki Djenharou, Inch'Allah, aide les contributions d'Yanna Kamel. Balaki, Idiro Hadja, au moins on va aider 2-3%. Absolument. Chacun fait comme il peut. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci, à très bientôt, Khoya. Allez, merci à toi, bon voyage. Merci beaucoup, Khoya Amin. Merci beaucoup, Khoya Amin. Il nous appelle, donc il était dans une gare, visiblement. Donc c'est comme ça que ça se passe sur Radio Chicha. On nous écoute de partout, sans transition. On passe au prochain appel. Adel. Allô, Adel. Allô, Azul. Azul, marhaba bik, Adel, merci pour l'appel. Je t'en prie, merci beaucoup pour l'émission et pour les intervenants aussi. Merci à toi. Merci aussi pour le sujet. Je pense que c'était sur l'Égypte, c'est ça ? Absolument. Le coup d'État qui vient de se produire, si tu le considères toi comme un coup d'État, qu'est-ce que tu en penses ? Absolument. Moi, je pense que c'est un coup d'État. C'est comme certains journaux l'ont dit, hein, c'est le syndrome algérien. C'est-à-dire qu'on tombe sur le même scénario que l'Algérie en 92, mais pas avec la violence pour le moment. Donc là, on est en phase de transition et d'attente. Donc je trouve que c'est un coup d'État, c'est une trahison de l'armée envers la loyauté, envers le président et la constitution aussi, puisqu'il n'a pas le droit de faire de la politique. Normalement, l'armée est faite pour défendre le territoire et pas la souveraineté aussi du territoire et du pays, quoi. Donc c'est un coup d'État et il n'y a pas à dire sur ça, quoi. Tu as vu qu'il y a quand même, à mon avis pas beaucoup, mais il y a quand même des gens qui soutiennent un coup d'État comme ça. Ils ont quelques arguments à propos de ça. Ils te disent non, c'est normal, les islamistes étaient, c'est-à-dire Morsi a mal travaillé, il a un mauvais bilan et du coup les gens sont sortis dans la rue et donc c'est normal, l'armée elle a fait le coup d'État au nom du peuple. Non, c'est pas au nom du peuple, au nom de certaines élites. C'est comme en Algérie, il te dit aussi que les élections étaient libres et personne ne peut contester ça. Il y a quand même un certain ego de certaines élites algériennes, militaires ou que ce soit militaires ou civiles, qui se disent bah nous non on devrait pas être gouverné par une loi islamique ou autre chose ou parti qui soit autre que leur appartenance. Mais ça, ils peuvent pas faire un coup d'État en regardant la télévision et voir des millions de personnes dans la rue. Comme tu viens de le dire tout à l'heure, hein, tu dis que c'est pas la rue qui gouverne. C'est absolument vrai. C'est-à-dire pourquoi on a fait les élections alors si par exemple au bout d'un an on essaie de faire tomber quelqu'un, le président élu. Donc le prochain, ça sera à moi alors. Donc on laisse le président prendre toutes les années qu'il devrait gouverner. 4 ans normalement en Égypte, si je me trompe pas. Donc il devrait rester 4 ans. Et au bout de 4 ans, on va le faire partir par des élections et pas par un coup d'État. Voilà. Et comme je dis, il y avait une phrase très très sympa de Thomas Sankara. C'est le président du Burkina Faso les années 80-82 qui disait: un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Et c'est effectivement, ça rejoint ça. C'est-à-dire les militaires l'élite égyptienne, ils n'avaient pas la conscience ou la vision derrière ça. C'est-à-dire ils voyaient que il y a certainement une manipulation des puissances occidentales et des puissances régionales comme le Golfe et tout ça. Donc il faudra voir ça avec un peu de recul et d'analyser tout ça. Et c'est vrai que tu as fait une réponse aussi. Il s'intéressait, comme c'est une émission qui devra travailler l'Égypte, mais aussi la réaction de l'Algérie sur ça. Sur la situation, on a vu que c'était une réaction vraiment, vraiment négative. Ils disaient, nous, on est avec le peuple égyptien. C'est n'importe quoi. C'est pas de la diplomatie, ça. C'est-à-dire, on tranche pas. C'est-à-dire, on va voir qui va gagner. Après, on va se pencher de ce côté, c'est ça? C'est-à-dire que l'Algérie officielle, enfin diplomatique, la position officielle n'a pas de principe en fait. C'est-à-dire ils ont fourni aucune réponse. Ils ont dit que voilà, nous on est avec le peuple égyptien. Qui est contre le peuple égyptien? Il n'y a personne. Même je sais pas, même le Mali est avec le peuple égyptien, mais n'importe quoi, si vous dites. Il faut trancher. Est-ce que c'est un coup d'État? Est-ce que je soutiens ça ou ça? C'est pas je soutiens, mais il faut prendre une position et dire moi je suis contre le coup d'État qui vient de se faire. Il faut le nommer. Si c'est un coup d'État, il faut le nommer. C'est comme a fait la Turquie par exemple. La Turquie était claire, même les membres de l'Union Européenne, ils étaient clairs, c'est un coup d'État militaire. Mais l'Algérie, voilà, et elle commence encore à jongler, à danser à côté pour, voilà, elle a peur au fait que, je sais pas, ils ont peur de la révolution ou je sais pas. Mais la position de l'Algérie est très très lâche à cet égard. Ouais, et c'est peut-être parce que ça rappelle le cas algérien. Oh là là, l'Algérie a vécu à peu près la même chose il y a 20 ans. Et 20 ans plus tard, on continue à essayer de maquiller les choses en disant, mais non, il a fallu sauver la République, etc. Voilà, donc il y a quand même cette comment dirais-je, cette union de personnes ou de voleurs, comment dire, je veux dire, c'est des voleurs, ils ont volé une légitimité qui leur appartient pas. C'est-à-dire les deux, bah on va bien sûr, il y a une sorte de communauté, ouais bien sûr. Moi j'ai fait la même chose, du coup qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut que je vous soutienne, j'ai fait la même chose. Donc effectivement c'est ça, mais moi je tiens à dire que l'Algérie a une position très très lâche sur ce qui se passait en Égypte. Il faudra que, heureusement que je vois les intervenants, ils sont pas mal, qui disent que c'est un coup d'État, ils condamnent au fait cette agression de l'armée envers aussi les membres des frères musulmans. Ouais. Je suis d'accord ou contre les frères musulmans, mais il y avait des élections, ils étaient libres et ils ont gagné. Il faut les laisser faire faut leur donner aussi les pleins pouvoirs, parce que ce que j'ai constaté en regardant très explicitement en fait les pas mal de choses, l'armée, c'est-à-dire Morsi, le président n'avait pas tous les moyens avec eux. Il avait contre lui le ministère de l'intérieur, l'armée, les renseignements, donc il pouvait pas faire grand chose, donc il pouvait que s'appuyer sur son peuple, et ce qu'il a fait. Il a dit, moi, je suis avec le peuple, il faut respecter la légitimité, comme disait Charles Aya, faut le respecter, et c'est tout. Je le respecte, et même si je suis pas partisan des frères musulmans, et voilà. Très bien, c'est très clair. Texaha, merci beaucoup, Adel, pour, si tu as autre chose à rajouter, ou là. Aujourd'hui, faire une position, c'était par exemple merci pour le sujet, quand même, c'était intéressant, mais c'était beaucoup plus intéressant si on a fait les deux. C'est-à-dire qu'en parlant de l'Égypte, en parlant aussi du 5 juillet, parce que c'est quand même une date historique, et un président d'un pays qui célèbre son indépendance se trouve dans un hôpital du l'ancien colonisateur, c'est quand même génial, quoi. Je trouve que c'est un tableau d'art, tu vois. C'est de l'expressionnisme, mais un peu c'est-à-dire dans le sens de l'horreur, franchement c'était bien. Moi je trouve que c'était vraiment sympa, quoi. C'est une vision, quoi. J'arrête. Non, tu as raison. Non, moi j'avais pensé à ce sujet aussi, et il est très important, probablement plus important encore que ce que vivent les Égyptiens, puisque les Égyptiens qui s'occupent des gens, les Égyptiens, c'est leur pays, ils s'occupent de leur pays. Nous on est loin, on est des Algériens, et on a aussi nos problèmes. Le 5 juillet, c'est un sujet très très important. Par contre, je ne pouvais pas faire plusieurs sujets à la fois. Du coup, je me suis dit, allez. Et c'est pour ça que je voulais, si c'était possible, de partager, c'est-à-dire avoir une position comme ça, et voilà, et donner le chemin pour les gens qui veulent, sur des Algériens qui veulent soit commenter ça, soit commenter. Marhaba, c'est une très bonne idée. C'était une idée de ce que je voulais dire. Très bien, c'est une très bonne idée, et on a compris ta position par rapport à ça, ce système de tableau, tableau d'art. Et si les auditeurs ils veulent intervenir sur ça, marhaba bihom, c'est vrai que c'est très important. C'est le 5 juillet, c'était le Berh, c'est ça, si je dis pas c'était le Berh, exactement. Merci à toi. Merci pour l'appel, Adel. Tu peux rappeler quand tu veux. Ça se passe comme ça sur Radio Hachicha Khaouti. Il est تقدروا تعيطوا لنا خاوتي بالقبيليه بالعربيه ولا بالفرنسي ماشي تري كومبليكي ا بروبو دي دي دي دي دي زيفينمون ان ايجيبت لو كو ديتا ولا ماشي كو ديتا كيما حبيتو سا سباس سور سكايب حشيشه دي زد ولا حبيتو تعيطوا je remercie les gens qui sont déjà intervenus, je remercie les gens qui sont en train de nous écouter أينما كنتم هنا أو هناك. Encore une fois, قبيليث يا لو تمر زمر ما تهضر مسقبيليث نقدروا نهضروا بالعربيه تاع الفصحى ولا الدارجه ونقدروا نهضروا بالفرونسي. ليسونسييل الناس تكسبريمي يعني البوان دو في تاعها. ليسونسييل سي كون communique entre nous les Algériens. Et puis moi je suis très content yani, des interventions. Je vois aussi sur les réseaux sociaux, sur où les Algériens ils hadrou librement, تلقاهم بلي يهدروا نورمال وفاهمين وواعيين وفاقوا بكل شيء. الناس اللي تقول بلي جزائريين مش واعيين مش فاهمين ولا احنا نستاهلوا ويتو هذه غلط. انا جي جامي تي داكور افيك سا. اون فوا بيان كو لي جون اي سون تري كونسيون دو لا سيتوياسيون. فوالا دونك فوالا خاوتي 9:30 عندنا اونكور اون دوميور تاع ايميسيون اون ديريكت ابروبو دي زيفينمون اون ايجيبت ولا عيد 5 جويليا كما قال لك الاخ 5 جويليا ورئيس تاعنا في ثكنه عسكريه تاع المستعمر القديم. دونك هذه هي لو تابلو. ما هو التعليق تاعكم؟ vous pouvez l'exprimer donc en direct. Nous sommes en direct sur Radio Chicha. C'est tranquille, yani les gens ils expriment leur point de vue. S'il n'y a pas d'appel, je passe un petit peu de musique et on revient après s'il y a des appels. Marhaba bikoum. Ça se passe comme ça sur Radio Chicha. C'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres, et beau défendre si joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à ce tombé à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. La peur est assassine, alors c'est vrai je pénalise ceux qui flinguent les mormons comme pas la pelouse en bas. Je suis un rêveur et pourtant ami j'analyse, je suis un érudit et je vous dis, je suis serbo-croate et musulman, voilà le hic. En fait, polonais, républicain et laïque. Et si certains regrettent de pas être noir de peau, je n'ai qu'une réponse, les gars, vous avez du faux. Qui me soulève, elle nous décime et j'en ai peur pour la nuit des temps. Elle aime nos rois mais faut qu'ils gagnent des tournois. Elle aime Boli mais a jamais rien aboli. Elle aime nos rois mais faut qu'ils gagnent des tournois. Elle aime Boli mais a jamais rien aboli. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas? À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur, je me présente, voici. Je m'appelle Larvi Mamadou Juan et faites place Guido Henri Chino Ali, je ne suis pas de glace. Une voix m'a dit marathon, cherche la lumière du gouffre. J'ai épuisé un combat, la bonne affaire, j'en ai bavé de la peur que j'ai lu dans les yeux de ceux qui ont trois fois rien, qui le croyaient précieux. J'ai compris ma défaite. Intégrez-vous, disait-elle, c'est des choses faites. Alors le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, l'ouvrée du marteau piqueur. Le bruit du marteau piqueur dans tes oreilles, tu finis ta vie et bourdonne les abeilles. Marteau piqueur dans tes oreilles, tu finis ta vie, bourbonne les abeilles. Le bruit et l'odeur, الو السلام عليكم. سلام مشرك سامر. مرحبا بك خويا حليم. السلام عليكم. وعليكم السلام مشركم. صافا الحمد لله اي توا. لا بس والله صافا الحمد لله. ميرسي بور لابيل. À propos donc du sujet de l'Égypte, on a aussi un autre sujet que l'auditeur précédent a introduit, c'est la fête du 5 juillet, Bidoun Raïs Daoula. Et à l'occasion, je voulais aussi, puisque j'étais là, peut-être parler un tout petit peu, peut-être vite fait, sur votre communiqué de votre association de lutte contre la corruption. Oui, aujourd'hui on a fait une déclaration. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est l'anniversaire de, c'est-à-dire de, on a passé une année, c'est-à-dire d'après, c'est-à-dire depuis la constituante, mm-hmm. Depuis le 7 juillet 2012, mm-hmm. L'association nationale de lutte contre la corruption, c'est-à-dire elle a été créée par un groupe de militants des droits de l'homme et des citoyens dénonciateurs de la corruption. Mm-hmm. Et il y a eu toute, c'est-à-dire une procédure pour déposer notre dossier au niveau du ministère de l'Intérieur pour avoir l'agrément. Finalement, l'agrément nous a été... Enfin, le récépissé de dépôt nous a été refusé pour des raisons très subjectives. Mmh. Et actuellement, l'affaire, elle est en justice. Et bon, nous, c'est-à-dire, on a tenté, c'est-à-dire... une action en justice en se basant sur la non-constitutionnalité, c'est-à-dire le rejet n'était pas constitutionnel. D'accord, et le rejet, ouais, n'était pas réglementaire. Mm-hmm. C'est-à-dire conformément à la loi 1206, malgré qu'elle est restrictive et elle est limitative, mais malgré tout ça, elle n'a pas été respectée. C'est-à-dire on a eu une lettre du ministère disant que l'association ne peut pas être agréé parce que, c'est-à-dire, votre procédure n'a pas été conforme à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire vaguement comme ça. Mm-hmm. Et à la couleur, donc finalement, on a interdit à une association de lutte contre la corruption d'exister légalement, c'est ça? Voilà, au niveau de la justice, on a eu le. C'est-à-dire on a eu la réponse تاعهم واش قايلين بلي l'association elle veut lutter contre la corruption et ce n'est pas sa vocation, c'est-à-dire nous on devrait dire qu'on doit participer et non pas lutter, c'est-à-dire on doit participer et non pas lutter, et finalement on voit que c'est-à-dire ça n'a vraiment pas de sens, et pour nous c'était prévisible parce que actuellement, c'est-à-dire pour nous, combattre la corruption, c'est combattre ce système. Il est pourri. C'est un pouvoir qui est érigé sur la corruption. Et juste à propos donc de votre communiqué, un an plus tard, est-ce que où en est l'affaire en fait? Bon, concernant la justice, le 18 septembre. Ça sera, c'est-à-dire nous aurons une réponse, la justice elle va trancher le 18, c'est-à-dire mm-hmm. la première instance de la cour administrative. Mm-hmm. Ensuite, ça sera le conseil d'État. Mais sincèrement, c'est-à-dire nous on va pas travailler dans la légalité. C'est-à-dire s'ils veulent pas qu'on soit légal, donc nous on va travailler dans l'illégalité. Mm-hmm. On est prêt à tout. Ceci ne va pas vous empêcher de travailler, c'est ça? Ah, on va travailler, bien sûr, on va travailler. Très bien, juste j'en profite pour dire, Billy, vous avez un site internet où on peut vous contacter, où on peut trouver les informations concernant votre association. C'est un site qui est en évolution. Ce qui nous intéresse, le site, il est là, mm-hmm. et on commence à recevoir des dénonciations. Mm-hmm. Le plus important pour nous, c'est-à-dire le travail qui va être fait à partir de ces dénonciations, mm-hmm. c'est collecter le maximum d'informations. Mm-hmm. Et s'il y aura des dénonciations avec des documents à l'appui, il y a une procédure qu'on va suivre. Mm-hmm. Et s'il y a des documents C'est-à-dire, s'il n'y a pas de document à l'appui, c'est-à-dire, il y a d'autres procédures. Et nous, nous partons pas du principe, certains de nos concitoyens qui considèrent que la justice est instrumentalisée. Et c'est une justice qui a un parti pris, c'est-à-dire, c'est une justice. Injuste. Injuste. Elles-mêmes, ils sont humiliés. Ces magistrats qui sont humiliés par ces enquêtes d'habilitation, ils sont humiliés par l'organe exécutif et qu'ils acceptent leur sort et qu'ils acceptent leur situation. Donc, c'est-à-dire techniquement, on va les saisir parce qu'il y a des délais de prescription qu'il faut les casser pour que l'affaire puisse, c'est-à-dire la prescription. Et deuxièmement, c'est-à-dire on est convaincu que la jury ça va changer et ces magistrats doivent prendre leurs responsabilités devant le peuple. Demain ils vont pas dire qu'on n'a pas été contacté, qu'on savait pas, donc tout le monde doit prendre ses responsabilités. Très bien, donc les gens ils peuvent vous contacter via votre site anlc-dz.org anlc-dz.org. Et le site, nous parlons de la réglementation qui concerne la corruption, les conventions internationales. Il y a la loi anticorruption et ses carences. Il y a certaines réflexions, c'est-à-dire certaines de mes réflexions sur les carences de la réglementation qui ne permettent pas le... Donc, le site, je crois que c'est Samir, c'était grâce à lui que ce site a pu... Nous, on va essayer de vous aider au maximum. Moi, j'appelle tout le monde à aider. Et puis, j'appelle aussi les Algériens qui ont des dossiers ou qui ont des preuves, des affaires, de la corruption, à vous contacter. Il y a le site, ils peuvent vous envoyer un message avec les informations. Et tout peut se faire dans le... C'est sécurisé, c'est l'anonymat. Et vous, c'est-à-dire vous faites votre boulot, vous êtes public, il n'y a aucun doute. Moi, j'appelle tout le monde à vous aider. Très bien. Sinon, peut-être un petit mot à propos des événements en Égypte. Bon, ce qui se passe en Égypte, c'est un coup d'État. C'est un militaire qui annonce la fin d'un président légitime. Pour nous, c'est-à-dire nous ne sommes pas à la mouvance islamiste ou à les frères musulmans, mais le président il est légitime et c'est un militaire qui a désigné un autre président. Pour une durée, c'est-à-dire il n'y avait même pas de feuille de route pour une durée que, c'est-à-dire que chef les coups d'état qui fait chez Kono, tout est dans le vague. Donc ce qui est honteux, c'est-à-dire l'état algérien ça se comprend. Je vous dis l'état algérien actuellement ils font tout, ils mettent le draham pour faire échouer ces révolutions arabes. C'est-à-dire il y a un axe le Saoudia ou l'Émirat, ou le Jazair, tous les pays, il ne sera pas fait des révolutions, les stratégies, ou les draham, ils font tout leur possible pour faire échouer ces révolutions. Donc, c'est logique, c'est normal, on le comprend, la position du pouvoir algérien. Un pouvoir pourri algérien. Ce qui est honteux, c'est que. C'est des démocrates ou on dirait qu'ils sont contents, mais on n'arrive pas à comprendre comment qu'ils puissent cautionner un coup d'état militaire. L'armée elle est venue et exaucer le vœu du peuple qui est sorti dans la rue contre Morsi. On va changer les procédures de la démocratie actuellement. نجيبوا الاخر نجيبوا لي زيليكوبتر تاع تاع لافياسيون ميليتير ولا اون فاكونتي لي تيت تاع في ساحه التحرير اون فاكونتي اذا صرا سادير يا يو دي زيليكسيون ليبر ترونسبارونت كل مو دار كوني لي ريزولطا ميم ديزون la justice تاع تاع باسكو لا جوستيس اللي هي لا اون تيرين لي ريزولطا سي تاع مبارك هذوك donc donc c'est une remise en cause de la démocratie et ça c'est très dangereux même pour nous c'est-à-dire même pour nous c'est-à-dire رجعنا la case de départ رجعنا toujours مع les militaires mais je pense que d'après واش رانا نشوفوا في هذو الايامات مع le peuple égyptien je crois qu'ils ont très bien réagi pour le moment ils ont très bien réagi c'est sûr que les militaires sont en train de confectionner des plans Mais ça sera une guerre des yeux. Hein. Actuellement, ça sera une guerre des yeux. Inch'Allah, les Égyptiens, ils vont tenir le coup. Très bien, très bien. C'est ce qu'on leur souhaite, Inch'Allah, de toute façon. Nous, on a déjà donné, on a vu ce que ça peut être. Moi, personnellement, yani, c'est un avis personnel, chacun il a son avis. Moi, j'ai dit, yani, dans mon blog et tout, Ouais, si tu as vu les vidéos, comme quoi en fait, regarde, hey, ça fait des mois. يعني c'est vrai, moi je comprends. والله أنا عندي صحابي كيما بزاف من الناس يعني أنا عندي صحابي توانسة نهضر معاهم quotidiennement. Des Égyptiens, j'ai pas dans mon milieu, mais j'essaie de suivre ce qui se passe يعني sur les réseaux sociaux. Comme ça, tu as un point de vue à gauche, à droite, عند الإسلاميين, عند الآخرين et tout. Et c'est vrai que il n'y a pas d'autre issue que de faire un compromis politique qui va permettre au pays de dépasser la phase de transition. Et si on ne fait pas attention à ça, parce que c'est vrai, ceux que je connais des Tunisiens, ils sont contre le Nahda, etc. Et ils y vont, ils soutiennent y compris les coups les plus illégitimes, etc., parce que c'est de la politique, on est contre Nahda, on va lui créer des problèmes, etc. Moi, j'ai toujours dit, Yalhawa, c'est bien, c'est de la politique, c'est comme ça. Marhaba bikoum, dans le monde de la politique, c'est comme ça. Chacun va défendre son idéologie, chacun va défendre sa façon de voir les solutions et tout, mais il ne faut jamais oublier l'Iran est dans une phase de transition et que les dangers du retour de l'ancien régime, que ça soit par un coup d'État ou par une réorganisation, une autre organisation que ceux qui tenaient le régime avant, vont se réorganiser pour revenir. Si on ne tient pas compte de ça, on prend de grands risques sur la phase de transition. Et je pense que le cas égyptien est un très bon exemple pour nous dire voilà, finalement, on n'est pas sorti de l'auberge et retour à la case départ comme tu as dit. Et finalement, si on ne fait pas un compromis entre toutes les composantes politiques du pays, que ça soit les islamistes ou la gauche ou les laïcs ou les nationalistes ou là, si on ne fait pas un compromis, eh ben on prend des risques d'exploser le pays et avec les morts que peut-être ça peut ramener et avec tous les dégâts que ça peut ramener. Même les ex-régimes j'ai dit s'il y a une possibilité de trouver un minimum de concertation avec les modérés, c'est-à-dire avec les islamistes modérés. Ne donnez pas l'occasion aux extrémistes, parce que les extrémistes ils disent que c'est la démocratie que vous avez tous les deux amenés bien. Exact. Et imaginez-vous les extrémistes. Est-ce que une personne de la gauche ou une personne laïque il peut vivre dans cette ville? Donc ils ont une opportunité de se concerter avec les modérés, les يقدر يتعايش معاه ويقدر يقبلوا. Si vous avez cette possibilité, علاش pourquoi cet extrémisme? علاش si فهمتني صدير bon, si on parle des frères musulmans, c'est des gens qui travaillent. حنا رانا شايفين جماعتنا حنايا صدير c'est des gens qui ne travaillent pas. Exact. Refusent les adhérents. C'est des gens qui refusent les adhérents. Est-ce qu'on peut compter sur ces mouvements d'opposition? T'as fait des militants, t'as fait des mouvements. Bah, tu veux être fort, tu veux gagner des élections. C'est vrai, c'est vrai. On a vu, Billy, les militaires qui font des coups d'État, ils prennent comme alliés une sorte d'opposition. Peut-être qu'il ne faut pas généraliser, ce n'est pas 100% de l'opposition, non. Mais une partie de l'opposition qui ne représente pas grand-chose, en fait. S'il y avait des élections, elle a 2%. Ou là, j'exagère un peu. Mais sinon, comme tu dis, c'est il y a pas de travail de fait, les gens ils hagrochent le peuple ou ils vont dans la rue. Exact. Ça veut dire c'est des gens qui ne travaillent pas, en bas ils sont ça veut dire ils veulent s'allier avec pratiquement avec tout le monde. Ça veut dire même les militaires. Même le diable. Ça veut dire là, il faut partir d'un principe. Que tout ce qui vient des militaires, il est mauvais. Tout ce qui vient. Anna, je vous assure, Samir Khoya, si le peuple va voter juif, il n'y a aucun problème, ça ne pose pas de problème pour moi. C'est ça la démocratie. Mais il faut que les gens travaillent. Ça défend, il faut qu'ils travaillent. Dans un cadre partisan, et c'est ça la politique, c'est que le Hadi baisse l'air tout. Tout à fait. Merci, Atexaha, c'est très clair. Khoya Halim, si tu as autre chose à rajouter, peut-être, de toute façon, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste à peine 5 minutes. Concernant l'association Tana, bon, je sais que ce n'est pas le. Ce n'est pas le sujet, et que le 5 juillet, maintenant, c'est le désintéressement total. C'est-à-dire les jeunes ne sont pas plus fiers de leur indépendance, parce que c'est-à-dire, ils n'ont pas eu ce qu'ils... Donc, c'est tout à fait normal que les gens soient beaucoup plus intéressés par ce qui se passe en Égypte. Exact, ouais. C'est peut-être aussi un autre signe comme quoi il y a une sorte de rupture comme ça entre Chab et le Hukam, et donc le Hukam ils font comme ils veulent. Actuellement, la population, les jeunes qui chouffent l'alam, ils chouffent le Nashid al-Watan, ils sont en train de maîtriser. Les symboles, ouais. Les symboles تاع الدولة على جال باسكو الناس لي الصالوبار هذو مستعمليهم كوم فون دو كوميرس. Donc, et ça se comprend à tous les حال. Donc, il y a un travail qui devrait être fait à la démocratisation du pays. Je suis très optimiste. Les choses vont changer, Inch'Allah. Je lance un appel à nos concitoyens de l'étranger. Qu'on a des informations sur les biens mal acquis des responsables algériens. Quand je parle d'informations, c'est-à-dire tous les biens, immobiliers, voitures de luxe, les comptes bancaires. Et ça part de l'information elle-même jusqu'au document qui prouve. C'est-à-dire on peut toujours puiser au niveau des banques, au niveau de la conservation foncière, faire des hypothèques et tout. C'est encore mieux. Donc, ça... L'appel est lancé. Voilà, et c'est scanné ou bâti le site, là, dans lequel on va faire le nécessaire. Très bien. Le message est passé. ANLC, comme Association Nationale de Lutte contre la Corruption. Les gens, ils peuvent taper ça dans Google pour trouver. Ou là, ANLC-DZ.org. tirer-de-6dz.org pour vous contacter, vous envoyer des informations. Les Algériens qui sont à l'étranger, vous êtes, c'est-à-dire vous êtes invités à vérifier si vous connaissez des gens qui ont des grandes fortunes, les dirigeants algériens et tout. Il y a une association que vous pouvez contacter, donner les informations que vous avez. Et il y a la loi, en fait, c'est-à-dire il y a un travail juridique, il y a des procédures à faire, et l'association est là pour ça. Donc le message est passé, merci beaucoup Khouya Halim, de l'association de lutte contre la corruption, et puis on en reparlera probablement une prochaine fois, c'est sûr. Et tu peux rappeler quand tu veux, Khouya, de toute façon. Merci beaucoup, bzaf, Khouya Samir. Merci à toi. Et le travail que le Rafid fait, c'est pas rien. Ah, c'est gentil. Merci pour l'encouragement. On va continuer de toute façon. Merci, à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci Khouya Halim de l'Association nationale de lutte contre la corruption qui nous appelle d'Algérie. Donc voilà Khouti, nous arrivons à la fin de l'émission de ce soir, samedi soir. Donc comme tous les samedis soirs, on a fait un direct live avec les auditeurs qui sont intervenus ce soir sur le sujet des événements en Égypte, du coup d'État qui s'est produit contre la volonté les résultats des urnes. Il y a eu des élections et après il y a eu un coup d'État militaire contre le président élu. Les auditeurs, ils ont donné leur avis, chacun son avis de toute façon. Tous les avis sont respectables. Et ça se passe comme ça sur Radio Chicha. Donc je remercie tous les gens qui ont appelé ce soir. Je remercie tous les auditeurs qui nous ont écoutés, quel que soit l'endroit où vous êtes. Nous sommes sur Internet, donc il y a des gens qui nous ont écoutés de là-bas au bled, qui nous ont écoutés d'Europe ou des États-Unis ou même d'ailleurs. Je remercie tout le monde. À très bientôt. C'est tous les samedis soirs à 20h, heure d'Alger. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radiochicha.com, rubrique podcast émission. Vous pouvez réécouter les émissions précédentes. Qui met l'émission Hadi, vous pouvez la réécouter à partir de cette nuit ou la demain. Elle sera en ligne. En rediffusion. Voilà Khouti, je vous laisse, je vais rendre l'antenne, je vais vous passer de la musique égyptienne, Cheikh Imam Issa, Allah yarhamo. Et puis rendez-vous samedi prochain. Salam alaikum, merci, à bientôt. Amen. يا ليلي يا عيني يا بحر النيل يا ليلي يا عيني يا بحر النيل يا غنوة مزوّر